Tu reviens, cœur au clou, ne dis rien, je devine tout. Sur un coup d'amour, tu m'avais quitté sans retour. Tu rentres au refuge, les yeux en déluge. Tu reviens sans rien dire. Le chagrin, ça fait réfléchir. Moi j'avais ma peine et ton parfum sur l'oreiller. Ton absence était lourde à porter. Mais l'aventure, ça met l'amour au pied du mur. Essuie tes yeux et ta figure. Mais l'aventure, ça vous met le cœur dans la sciure. Quand le réveil se fait trop dur, essuie tes yeux et ta figure. Essuie tes yeux. Chagrin, appelle le pardon. Moi j'ai dû mentir à qui voulait de tes nouvelles. Elle est dans les Flandres, partie se détendre. Toi tu pleures, moi aussi. Le bonheur est peut-être à ce prix. Une longue absence pour moi, pour toi un feu de paille, pour payer nos longues retrouvailles. Mais l'aventure, ça met l'amour au pied du mur. Essuie tes yeux et ta figure. Mais l'aventure, ça vous met le cœur dans la sciure. Quand le réveil se fait trop dur, essuie tes yeux et ta figure, essuie tes yeux. Mais l'aventure, ça n'est jamais qu'une aventure. Rien d'éternel et rien qui dure. Mais l'aventure, ça vous met le cœur dans la sciure. Ça met l'amour au pied du mur. Essuie tes yeux et ta figure. Essuie tes yeux. Essuie tes yeux.